nos autres vies. Sérieux? Est-ce que chaque personne avec qui on est lié dans cette vie-ci, ça veut dire qu'on est en rapport avec elle dans d'autres vies? Oui, mais il y a quand même des personnes, en tout cas moi je suis sûr, il y a des personnes que je connais, c'est court comme réponse, hein? Il y a des personnes que je connais, que je suis certain d'avoir un rapport avec ces personnes-là, ou qu'on a eu un rapport ensemble dans d'autres vies. Il y a même certaines personnes... Pas de problème avec ça, tout ça. Ah, c'est pour ça qu'il répond. Ah, c'est pour ça, c'est ça. Le micro est fermé, il n'y a plus de réponse. Bon, c'est pas... Ça va, c'est à ton tour. Je vais attendre parce que je veux qu'il réponde. J'ai fermé le bâtiment. Tu veux-tu t'asseoir ici, Daniel? Non, non, ça ne veut pas de part. Plus, moins. Comme il dit, c'est archaïque, il n'y a pas d'idée de trouver juste une vie. En tout cas, pas plus, c'est bien ça. Comme ça, c'est ça que j'avais fait. Enfin, c'est ça, c'est une méritoire, fallait que je la remette à la caméra. Parce que toute ta conférence est là-dedans, hein, fait que si ça marche pas, ça... Ça doit être lourd. Ben, oui, c'est... Ça, je parle vite, vite. Bon, alors oui... T'as pas aussi... OK, on termine pour toi. Bon, non, c'est ça, ben... Non, c'est que quand je retrouve ces personnes-là, c'est agréable. Ben, en tout cas, dans mon cas, ça a été agréable pour actuellement. Les personnes que j'ai reconnues, c'est agréable. Comment est-ce que tu pour savoir que cette personne-là, que tu la connais, on va dire, là, que tu l'as déjà connue? Bon, moi, je décode ça d'après l'affinité, je dirais, presque instantanée que j'ai avec tel ou tel individu, puis qu'avec d'autres... Ça prend du temps, il faut s'approcher. Je dirais qu'égoïquement, on n'a pas d'affinité égoïque. Dans l'intelligence, on peut en avoir, puis là, tu chemines tranquillement ensemble, mais qu'il y a d'autres individus au même niveau d'intelligence. On va dire que ce n'est pas l'intelligence qui détermine ça, que tout d'un coup, Mais c'est pas vrai, ça, François, parce que des fois, là... Non, c'est vrai, des fois, on peut ne pas s'entendre avec quelqu'un, mais ne pas lui aimer la face, puis c'est parce qu'on l'a connu. Ah, oui, mais on parlait des amis. Des amis, oui, c'est ça, oui. Ah, c'est vrai, c'est une autre conférence. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que tu peux vibrer tellement avec une personne que tu es sûr que tu l'as connue, puis tu peux ne pas vibrer tellement avec une personne que tu es sûr. Je pense qu'il y a quelque chose à dire, lui-là, là-bas. Tu l'as connu, mais c'était un ennemi au lieu d'un ami. Mm. Comme d'habitude, parlez-vous ensemble, moi je vais leur expliquer les choses. Robert, tu as une question intéressante? Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que j'ai connues dans plusieurs adresses temporelles, sinon dans toutes les adresses temporelles. OK. On va dire dans le passé pour l'instant. Faciliter les choses. OK. Comment fais-tu pour savoir que tu les as connues? Vas-y, Robert, explique-moi ça. Parce que... Attends une minute. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on les a connues? Non, mais si... Parce que moi, je peux me mettre dans un état où je me souviens... d'ambiance, mais aussi d'un décor, et ce décor-là appartient à une autre adresse temporelle, au passé. Mais après ça, je me dis, ben, est-ce que c'est un film que j'ai vu? Est-ce que... Ça, on peut commencer à rationaliser ça. Ah, ben ça, on peut rationaliser, on peut faire plein de choses. Mais comment, si tu me poses la question, comment je fais? C'est parce que je vois un décor, je sens un décor. Quand je rencontre la personne, je sens un lien. Des fois même, il peut y avoir des nœuds que cette vie présente n'explique pas. C'est un point qui est très important au départ. Pour être capable de reconnaître des amis, on va y aller avec les amis pour l'instant. Faites-vous-en pas, entre ennemis, vous allez vous reconnaître facilement. Pas besoin de technique. Mais pour reconnaître les amis, il faut, première chose, que vous le reconnaissiez. Et deuxième chose, qu'il vous reconnaisse. Là, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une connaissance, là, parce qu'on se côtoie pas mal, la majorité dans d'autres adresses dans le passé. On se côtoie. Mais pour reconnaître quelqu'un avec qui j'ai vécu ou quelqu'un avec qui je vis actuellement dans le passé, bien, je dois vibrer différemment. C'est-à-dire que je dois être capable de reconnaître l'individu et la personne doit être capable de me reconnaître. Mais l'idée là-dedans, c'est que parce que très souvent, on spiritualise la mécanique, on veut dire, « Ah, oh, je connais, tu t'appelais Mirliton, là, 400 ans. » Puis on dit, « Ah, ben oui, c'est vrai, puis toi, c'était Mirliton, puis ça fait... » Ça fait 600 ans, tu sais, non, ça fait au moins 400 ans pour deux. C'est pas ça. L'humain, l'ego, la psychologie essaie toujours de trouver un nom. As-tu été Jeanne d'Arc? As-tu été Jeanne d'Arc? On sait pas. Ça fonctionne pas comme ça, les mécaniques. Les mécaniques, à un moment donné, ça va être, disons, je vais prendre monsieur ici. Votre prénom? Jacques. Alors, je subitement, Jacques, il m'attire, il me plaît. Déjà, j'ai un symptôme. Là, ça peut être parce qu'il me rappelle mon grand-père que j'ai aimé, tu sais, les psychologues, ils vont y aller. Oui, mais ça se peut aussi qu'il ne me rappelle pas mon grand-père, mais qu'il me rappelle mon arrière-arrière-grand-père. Là, on va le dire, peut-être que Daniel, quand il était tout petit, il a vu un daguerréotype, parce qu'il n'y a pas de photo à l'époque, une impression d'une plaque de métal de son arrière-arrière-grand-père. On peut en mettre plein. Mais là, ce qui est drôle, c'est que lui peut aussi commencer à m'aimer. Puis on vibre énergétiquement. Puis on se met à se parler. Puis à un moment donné, ben c'est un homme d'affaires. Puis il me trouve un emploi. Puis finalement, ben là, on se voit souvent. Puis j'ai subitement l'impression que j'ai deux pères. Mon père que j'ai eu. Puis le bonhomme qui est là, qui est le patron, puis qui me donne des responsabilités, puis qui me dit des choses, donne des conseils. Puis si j'arrive à discuter assez avec lui, je me rends compte que lui me considère comme son fils. Comment ça se fait? Il n'a quand même pas vu la photo de celui-là. Je ne suis pas son fils, là. Bon, ce psychologue explique que j'ai peut-être pas fait qu'il ressemblait. Mais ça se peut, par contre, que je sois son fils dans le passé. Maintenant. Donc, nécessairement, ça va aller. Mais ça se peut aussi que je l'haïsse à mourir. Parce que je suis son fils. Mais comment on fait pour faire la différence entre une vibration de quelqu'un que tu approches, mais que tu n'as jamais connu, mais tu vibres avec lui, d'une personne que tu as déjà connue, puis nécessairement, tu vibres avec lui, c'était ton ami, supposons, dans le passé. OK. Premièrement, on doit cesser de vouloir à tout prix dire « on s'est connu, on s'est pas connu, on s'est connu, on s'est pas connu, parce qu'on se connaît. » Vous connaissez combien de monde aujourd'hui? Ben, imaginez ce que vous avez connu. Alors, relaxons. Ce qui est important, simplement, on parle d'amis, l'importance de l'ami, l'utilité, c'est que si c'est mon père dans une autre vie, ben on va être capable de faire plus dans ce vie-ci si on est capable d'être ensemble, et on va être capable de régler plus nos problèmes qu'on va vivre ensemble si on est capable de comprendre qu'effectivement, avant, tu étais vendeur de ceci, puis dans une époque où je me rappelle, on est dans le temps d'Angleterre, puis à l'âge de 12 ans, je travaillais dans une mine de charbon, puis tout trouvait ça normal. Fait que c'est bien évident qu'aujourd'hui, il y a des petites affaires de temps en temps que ça va pas. Si on comprend assez les mécaniques, parce que lui, il se rappelle effectivement, il est à peu près certain, ça va avec son bon sens. On va rester là. Ça va avec son bon sens que je sois son fils dans une époque où effectivement, il y avait telle chose. Ça va avec son bon sens. Une question d'intuition. Parce que tant qu'il ne voyagera pas dans le temps, il ne pourra pas le vérifier. Donc, on va rester avec le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne dit pas mordicus que c'est ça. Par contre, le fait d'accepter cette possibilité, ça va soit nous servir de placebo pour être capable de guérir nos contacts actuels, c'est déjà un bon point. Mais peut-être aussi que c'est la réalité. Mais tant que tu ne voyages pas dans le temps, ne pars pas une nouvelle religion, ne pars pas avec la foi d'être certain, considère que ça a bien du sens, puis minimum, c'est utilisable. Mais comment ça, quand on se met en état de se remémorer des choses, c'est rare que des noms viennent. On peut dire ce qu'on a fait, comment c'était, mais notre nom? Bon, de temps en temps, le nom va venir. Habituellement, le nom ne vient pas. Non, c'est l'autre qui te... Oui, l'autre va le reconnaître et tu vas être d'accord. Mm-hmm. Ou bien juste quand tu commences à savoir ton nom, si tu le dis, l'autre est d'accord. Mm-hmm. Bon. Mais la mécanique, c'est simple, c'est que la majorité des gens, vous êtes actuellement, ou vous connaissez des gens, qui font partie d'une banalité. Et le nom n'a jamais été important à travers le temps, sauf pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est tellement socialement considéré... Bon, le nom, c'était rien. C'est toujours le nom du père. Je suis Daniel, fils de machin chouette. Aujourd'hui encore, on va écrire Daniel Kem. On va écrire Kem Daniel. Alors que Kem, c'est le nom de ma famille. Mon nom, c'est Daniel. Mais c'est un petit peu mieux. Mais c'était vraiment, vraiment pas considéré, à part certains noms. Et dans le cas de certains noms, encore une fois, il y a des noms qui ont tellement été galvaudés, tellement défaits, que vous ne voulez rien... Les noms, ils sont pas là. Mais ce qui est important surtout, c'est parce que tu n'as pas encore suffisamment de clarté dans ta conscience quand tu te rappelles des individus que tu as rencontrés. Par contre, au niveau de la saveur, ça va aller. Je ne connais pas son nom, il n'y a rien à faire de son nom. mais émotivement, énergétiquement, il me nourrit, il me sécurise, j'ai le goût de faire de quoi avec lui, lentement, ça va me réveiller des choses, le nom va peut-être arriver bien plus tard, mais au départ, c'est pas le nom qui est important, c'est tout ce que je peux vivre ou ce que je commence à recréer avec lui. Lui, s'il me reconnaît et qu'on est ensemble capable de se replacer spatialement, en réalité, là, ce serait pas temporellement, donc dans le temps comme dans l'espace, oui, on s'est connus, oui, c'était en France, oui, c'était en Angleterre, oui, c'était en Écosse, et c'était dans l'époque où il semble qu'il y avait telle affaire. Souvent, les dates non plus ne sont pas claires. Non. Parce que pour l'humain de ces époques-là, même pour aujourd'hui, les dates, c'est rien. Par contre, à un moment donné, on va dire, tu sais, il semble qu'il y avait, on avait des jupes, on était en Écosse. C'est ça. Puis nous autres, c'était vert, rouge, puis il y avait une ligne de bleu dedans. Puis là, à un moment donné, ben là, si on fouille un peu, on découvre qu'il y a eu effectivement un clan. Et puis là, on regarde les dates. Puis là, à un moment donné, il y a un nom. Là, le nom, il te saute dans le visage. Le nom, là, où que ça me vibre. Là, on va dire, c'est des associations. Ça se peut que oui, mais dans la majorité des cas, ça va être non. Parce que ce qui va arriver, c'est que lui va vibrer, par exemple, regarde ce nom-là, là, ça, là. Là, moi, je vais dire, est-ce que c'était toi? Il va dire, non, mais je l'ai connu. J'espère, parce que ça, c'était moi. Et il va dire, ça se peut en maudit. On est cohérent. C'est pas, ah, yeah, mon nom, on est de le dire. Mais dans toutes les fois où j'ai rencontré des gens que je connais, donc que j'ai connus dans le passé, jamais il y a eu deux. Ça a toujours été évident. Ce qui est encore le plus plaisant là-dedans, s'il y a une troisième personne qui est capable de vous confirmer. Moi, ça, c'est encore plus clair à ce moment-là. Mais comment on fait? Il faut... Oui, l'être humain cartésien. Depuis Descartes, on est cartésien. C'est de bonne loi. L'être humain cartésien, il marche avec la réalité. Les statistiques démontrent que la majorité des 80-85% des témoins visuels d'un crime sont mentales. Ça ne se rappelle de rien. Et on sait aujourd'hui que la preuve la moins acceptable en cours, c'est le témoin visuel. Je l'ai vu, c'est lui. Ben, on sait aujourd'hui que ça pouvait être n'importe qui. Puis il s'est arrêté lui quand même. C'est encore aujourd'hui, par contre, la preuve qui est la plus acceptée en cours, alors que psychologiquement, on se rend compte de plus en plus, après un paquet d'études, que c'est la preuve la moins admissible. C'est ce que l'humain appelle la réalité. On a même découvert dernièrement que près de la moitié des jeunes qui ont été agressés sexuellement ne l'avaient jamais été, et qu'un grand nombre de femmes qui ont été agressées ou qui ont été battues dans leur jeunesse ne l'avaient jamais été, et que ça a été induit par les questions des gens qui investiguaient. Et qui finalement, ils ont fait fonctionner par le droit. Mais c'est la réalité. Les cartésiens, hein, l'humain d'aujourd'hui, veut fonctionner dans la réalité. Mais cette réalité-là, elle est bidon. Et tant qu'à être bidon, ben, on devrait se créer un bidon utile. Et le bidon utile, ça va être comme Christophe Colomb, qui finit par se dire, écoute, on sait que la Terre est plate, c'est clair, mais dans mon bidon à moi, elle est ronde. Et elle n'est pas grosse. Puis on peut rejoindre les Indes en passant par l'Ouest. Son bidon n'était pas vrai. Soit, il est arrivé en Amérique, il a vu des Indiens qui mangeaient du blé d'Inde. Bon, c'est pour ça que, bon, c'était un baptiste à l'Inde. Sauf que son bidon n'était pas faux non plus. Il n'était pas faux, mais ça permet d'avancer. Ça, c'était pas ce que lui pensait. Non. Mais il y avait quelque chose. Oui, et sa saveur était exacte. La saveur, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui sous-tend ce qu'il pense, ce qu'il vibre, ce qu'il veut faire. Et parce qu'il n'est pas capable de supporter une saveur sans la rationaliser pour son ego, alors il s'y met à la rationaliser, et là, il a dit, je sens ceci, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est là-dedans qu'il se trompe. Mais c'est ce qu'on fait avec les concepts. On place un concept là, puis après ça, une fois qu'on est rendu, on n'a plus besoin du concept, on le démolit, on passe à autre chose. Alors moi, à un moment donné, je rencontre un jeune garçon, et on se lie d'amitié immédiatement, et ça m'est arrivé avec plus qu'un. Et on se lie d'amitié, mais à un point tel que j'ai une relation avec lui qui est au moins légale des relations que ses parents vont avoir avec lui, au niveau affectif. Et lui, même chose, là. Et c'est évident qu'on se connaît. Parce que ça prend rien, c'est parfait. Non seulement on se connaît, mais en plus, on s'apprécie. On va dire en réalité, non seulement on s'est connu dans le passé, mais en plus, on s'est apprécié. Et à un moment donné, eh bien, par exemple, j'avais deux de mes amis qui avaient à peu près le même âge. Bon, je n'ai connu un à 7 ans, l'autre avait 9 ans. Bon, les deux avaient le même âge, donc ils devaient 9 ans rendu à un moment donné. Et puis, il y en a un qui est très, très près de moi. C'est-à-dire, bon, il a 9 ans, mais quand il veut se coller, il vient se coller. Quand il veut s'asseoir, il vient s'asseoir. Quand il vient me parler, il vient me parler. Alors que l'autre attend toujours que je l'invite. Et puis, il faut fouiller. Et c'est évident pour les parents, par exemple, de celui qui est très près de moi, que j'ai été son père. Et que dans ce vie-ci, c'est eux autres. Et pour le jeune, c'est clair et évident, effectivement. J'ai été son père et c'est donc normal que. Pour l'autre jeune, mais à un moment donné, j'essaie de comprendre pourquoi on s'entend si bien, mais qu'il est si réservé. Et je me rends compte qu'effectivement, j'étais son père, puis les deux jeunes se connaissent en plus, les deux jeunes se jalousent un peu, puis il y en a un qui me dit, celui qui est très collant, il me dit certaines choses de l'autre qui sont correctes. Lui est capable de reconnaître l'autre. Je reconnais l'autre. L'autre, au niveau de la saveur, c'est parfait. Et j'en finis par fouiller un peu, je pose des questions aux parents de l'autre, pose des questions à celui qui est colère, puis je finis par comprendre. Il y a eu une époque, puis c'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai connu ses parents, que j'ai connu ce garçon-là, et que j'ai connu l'autre. C'est clair. Et c'est clair pour un paquet de gens. Mais à cette époque-là, j'avais le droit d'avoir des concubines, mais il y avait une femme officielle, et il y avait des enfants officiels. Et par ma nature, à l'époque j'étais roi, par ma nature, eh bien, l'enfant officiel, le prince, pouvait être avec le roi, et pas le fils de ma concubine. Mais moi, ma nature était d'être bien avec les jeunes, mais lui ne pouvait pas venir me voir en public, il ne pouvait pas venir me voir, et c'était bien compliqué. Et encore, ça restait, alors que l'autre, il venait sans arrêt parce que c'était correct. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est à peu près 8, 9, 10 personnes à être capables de reconnaître, pas d'accepter, de reconnaître. Quelqu'un me dit à un moment donné, ben oui, mais c'est normal, t'en viens avec lui. Le père me dit ça à un moment donné. Hey, mais c'est clair et évident que tu as été son père. C'est évident, évident, évident. Mais même, à un moment donné, on est à la table en train de manger, et il se retourne vers moi et il dit, hey, papa, Daniel, bon, puis ça, c'est dans le début. Ça fait 3-4 semaines là, qu'on se connaît. Il m'appelle papa. Et là, et c'était clair déjà. Mais bon, alors c'est évident qu'on peut retrouver la façon d'être certain. Tu dis par exemple, oui, mais tout d'un coup, c'est juste de... Ben, on s'en fout parce qu'on vit des choses que l'humain ne vit pas normalement, justement parce qu'on est capable d'accepter plein de mécaniques, au lieu de dire, oui, mais c'est pas normal, les parents s'en mettent en question, par exemple. Comment ça se fait que mon fils, il préfère aller chez ou ben non, qu'il aime autant aller chez ou ben non, etc. Écoute, c'est normal parce que là, c'est qu'on se connaît, on s'est connu, on va dire, et on se reconnaît maintenant. Et c'est parfait. Est-ce que les ceux avec qui on a plus à faire être en contact, parce que là, c'est comment retrouver les amis que l'on s'est fait dans d'autres vies, mais est-ce qu'ils sont la plupart du temps à côté de nous autres ou on doit faire une démarche? On doit faire une démarche. Ils peuvent être à côté de toi, vous pouvez avoir des amis, mais le gros d'utilité là-dedans, c'est que, en tout cas, quand vous allez commencer à retrouver des personnes que vous avez connues dans le passé, vous allez voir que la vie change d'angle. Comment c'est un peu plus gros? Ça arrive souvent où, par exemple, on se réunit des anciens amis, qu'on connaît depuis, bon. Et la majorité, d'ailleurs, je les ai rencontrés par le biais de mes conférences. Sont-vous en conférence? Ah ben c'est ça, mais dans le fond, on ne savait rien. Non. Ben, on n'a pas dit, on va faire une démarche, on va rencontrer... Mais non, ben, on a fait une démarche. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrivait, c'était que... on a des vibrations et on va dire, par exemple, si on regarde nous deux, quelque part, on s'est connus dans le passé, c'est évident, parce qu'elle m'en veut. Elle ne me connaît pas. C'est ça, si elle m'en veut, elle ne me connaît pas. C'est contradictoire. Mais non, si tu me connaîtrais, tu ne m'en voudrais pas. Mais, okay, oui, c'est ça, c'est paradoxal. Oui, paradoxal, OK. Alors, quand on s'est rencontrés, c'était ça. Ben oui, je sais. Bon, oui. On avait tout pour se relier, mais ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'elle m'en voulait quelque part. Et moi, je l'ai... Pas quand elle commençait à m'en vouloir, eh bien, je la traitais comme un mari traite sa femme. Souvent, comme une femme traite son mari, mais là, c'est un mari. Là, moi, je me disais, j'ai juste les désavantages d'un mari et non les avantages. Oui. Pour que finalement, on s'est bien rendu compte qu'on s'est connus, c'était clair. Et avec les problématiques d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, nous autres, c'est un autre scénario, notre affaire. C'est, ben oui, c'est ça. C'est une rue des pignons. Mais l'affaire là-dedans, c'est parce qu'on disait, c'est parce que souvent les gens, j'ai l'impression qu'ils ont l'image que quand ils vont rencontrer des amis qui sont faits dans d'autres vies, ça va être plaisant. Mais souvent, au départ, c'est pas plaisant, même si les gens s'aiment. Parce que au départ, ça peut ne pas être plaisant. La spiritualité dit que si tu rencontres ces gens-là, c'est parce que tu as quelque chose à régler avec eux autres. Oui. Ah, il y a ça aussi, mais bon, c'est une autre chose. Mais à régler. Bon, on se rapproche toujours. C'est toujours une question d'expression spirituelle ou émotive des mêmes mécaniques. T'as pas nécessairement de quoi régler. Moi, je connais plein d'amis que j'ai rien à régler avec eux. Par contre, on doit continuer à faire le même travail. C'est-à-dire mais que c'est ça, vous avez peut-être un chemin commun, par contre. Oui. Et le gros de l'avantage, c'est qu'à un moment donné, moi, je veux dire, bon, on devrait faire ça, mais maudit, ça me tente pas. Là, il y en a un qui dit, ouais, je comprends, torieux, ça fait 3000 ans qu'on fait ça, c'est bon, il est temps qu'on arrête. Fait que là, toute la gang dit, oui, bon. Fait que là, c'est vrai et clair, en maudit, on recommence pas les mêmes affaires. Mais on est plusieurs personnes pour se rappeler. Tu ne te rappelles pas que tu as toujours été en quête sans arrêt. Tu as toujours fait tes mêmes maudites niaiseries. Tu as toujours été le plus pissou de la gang. Là, tu recommences encore à vouloir t'en aller. Puis l'autre, là, ben ça, évidemment, il faut qu'on se soit parlé, qu'on soit reconnu suffisamment. Moi, je connais l'individu. Je l'ai rencontré, bizarrement. Et cette personne-là, j'apprends. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, elle, je la connais. On se connaît. Donc, on s'est connu dans le passé. Je donne nos exemples, vous devez comprendre, vous allez être capable d'appliquer, enfin, de reconnaître quand ça va s'appliquer. Alors, on parle, et puis, première chose, je suis un prototype particulier d'être humain. Mais lui aussi, par exemple, si j'ai un esprit chevaleresque, et je rencontre un chevalier ou même une chevalière, on a au moins vécu dans certaines époques. Peut-être qu'on se connaissait, peut-être pas. Mais là, je me rends compte que ce gars-là, en tout cas, il ressemble en maudit à quelqu'un que j'ai connu, vu que je connais, moi, tous mes antécédents. Bref, je sais où est ce que je vis dans le temps. Alors, il ressemble énormément à quelqu'un que j'ai connu, mais je lui dis pas. Parce qu'une chose importante pour la reconnaissance, c'est de ne pas se le dire. « Hey, es-tu Salomon? » Et l'autre, s'il souffre de médiocrité, ça fait longtemps qu'il aimerait être reconnu, il va dire oui. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. On s'est connu dans le passé. Et lui, il dit, ben, moi, je sais pas. Arrête là. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas connu. Ça dépend de comment il est structuré aujourd'hui. Il dit, oui, moi, j'en suis certain. Fait que là, on vérifie, pas trop vite. Il me dit, bah, oui, j'en suis certain, c'était en Chine à l'époque de Huang Zedong. Et puis, il était mon ennemi, donc c'était mon esclave. Mais il y en a d'autres aussi que, si admettons, ils ont côtoyé un personnage important, ils vont penser qu'ils ont été le personnage important. Bon, la majorité des gens qui disent « Moi, je suis Napoléon », cirait ses souliers. Nuance. « Moi, je suis Marie ou Marianne ou etc. » Minute. « Moi, je suis Jésus. Moi, je suis Jules César. Moi, je suis Néron. » Néron, je dirais, il n'y a pas pour lui. Mais souvent, vous les avez côtoyés, les nuances. Alors moi, je rencontre un individu, à un moment donné, puis là, j'apprends qu'il est allé faire... C'est au Vietnam. C'est un Canadien, un des rares Canadiens de l'Ouest. Fait que là, on jase un petit peu. Puis, ben, c'est parce qu'il y avait le communiste, puis lui, il est allé défendre la liberté. Puis rendu là-bas, il s'est rendu compte que c'était fourré à l'os, que c'était c'est une gang de cons partout. Autant du côté des Américains, des communistes, du Sud, du Nord. Mais il allait là. Alors, quand il me compte ça, j'ai dit, soit là... Ça a probablement toujours été une espèce de genre de... Puis là, il pourrait arriver et dire, ah, ça doit. Mais ça arrête là. Mais à un moment donné, je commence à regarder, puis je dis, écoute, selon toi, dans quelle époque as-tu vécu dans le passé? C'est important de poser des questions. Ça s'est fait à travers quelques mois. Hein? On ne se met pas en quête, on s'assoit autour d'une table un soir, puis on se dit, hey, on va se trouver qui on était. Mais ça donne quoi, ça? À un moment donné, quand tu le sais... Non, quand tu le fais mal, ça sert à rien, mais ça donne... Non, mais non, je parle quand tu le fais correctement, là. Ça donne quoi de le savoir? Ben, ça donne simplement que là, tu sais beaucoup plus que le travail se fait... tu sais, on poursuit, on fait un travail qui est beaucoup plus énorme, puis il te manque des informations, puis tu sais que tu peux aller les chercher entre le lien à d'autres personnes, en tout cas, bref. Mais ça peut même régler des crottes qui sont... Ça peut faire d'autres choses qui sont, je le dis très rapidement, vu que tu poses la question, mais tu peux aussi carrément... Tu as déjà été, par exemple, mon courrier. Alors, il allait porter les lettres. À l'époque, il y avait poste... cheval. Poste cheval, ouais, c'est ça. Oui. Et puis là, il partait. Puis à un moment donné, puis là, j'ai formé abonner la bonne personne, tout d'abord. Ça a créé des conflits qui ont fait en sorte que là, maintenant, l'individu là-bas que je vais rencontrer, là, on ne peut pas. Alors moi, je fouille un petit peu, je me rends compte qu'on ne peut pas, mais c'est normal, parce que j'ai été deux princes ou deux lords qui se détestaient, t'envoyaient un mauvais message. Fait que si on se connaît, à un moment donné, on peut retravailler. Puis la mécanique que j'expliquais lors de l'autre conférence, il peut lui retourner, puis finalement, essayer lentement de finir par se dire de pas mélanger le message. Puis là, du jour au lendemain, d'une semaine, deux semaines, trois semaines après, ben là, à force de voir l'autre qui me voit en face, puis à un moment donné, l'autre finit par venir me voir, puis il me dit, écoute, quittez, quoi. Fait que je dis, moi, Daniel Kemp. Daniel Kemp, on se serre la main. Il dit, écoute, ça fait trois semaines, là, je te vois aller dans les environs, là, puis, et... je suis devenu quelque part. Mais là, c'est loin, il m'aille plus, là. Là, ça a le temps de changer. Mais ça, en faisant et après ça, on peut recréer des contacts qui ont été brisés. Mais c'est ça, mais de toute façon, le travail que nous, on a fait déjà, ça a changé la pensée. Oui. Alors, on poursuit avec notre bonhomme, donner des exemples un petit peu. Alors, je lui demande dans quelle époque on s'en va vécu. Là, il part à rire, il est dans la même époque que toi. Non, au moins, il pense qu'on s'est connus. Non, mais c'est une réponse la plus vraie, ça. Oui, c'est correct aussi. Alors, je dis oui, c'est intéressant, mais dans le désert. Là, il me dit non, pas ce fois-là, en tout cas. Bon, parfait. Bon, on vérifie. As-tu déjà été, je pose la question, chevalier? Ben, il dit, oui, plusieurs fois. Bon, c'est correct. Puis là, on pose des questions. Finalement, je me rends compte qu'à l'époque où moi, j'ai une idée de qui je pense qu'il est. Je ne vais pas vous dire. Parce qu'il faut que je vérifie. Puis, à un moment donné, ben, là, il commence à me dire des choses. J'ai dit des choses. Puis finalement, ben, là, chaque fois que j'ai entendu une rire, chaque fois qu'il m'en dit une, je le savais. Puis finalement, effectivement, à l'époque, c'était encore le genre de bonhomme à aller se battre pour sauver n'importe quel lit. Bon. Là, on vérifie, puis on s'est connu dans une autre époque, parce que j'ai déjà connu un autre gars comme ça. Il était venu qu'à dire, gars, il y a là-bas quelqu'un des problèmes, ben, il partait pour sauver l'humanité tout le temps. Il m'arrête au début. Et puis effectivement, là, on se rencontre, puis là, à travers, à mine compte, etc. Puis à un moment donné, il va venir me voir en me disant, écoute, là, j'étais déjà lâché une fois, là, je te lâche plus. Fait que là, je lui demande, mettons, on est quelque part, là. Fait que là, je dis, comment ça? Oh, ouais, j'ai déjà abandonné une fois, mais là, je t'abandonne pas. Ah! Moi aussi, je pensais là, que c'était lui. Mais l'autre, il me dit de même. Mais là, fait que là, on va discuter. Puis finalement, ben là, aujourd'hui, on sait qu'on s'est connus là. Ben, bref, qu'on se connaît là et maintenant. Puis on verra plus loin. C'est la façon de faire. Bon, l'avantage qu'il y a, premièrement, ça va donner une autre saveur à votre vie. Mais il ne faut pas vous jouer. Si vous faites ça en jouant, si vous faites ça spirituellement, si vous faites ça dans le but de jouer avec les mécaniques, pas bon. Parce que vous ne pourrez jamais vous asseoir en vous disant, c'est vrai qu'on s'est connu, là c'est clair. Bon, à un moment donné, tu prends un dictionnaire, moi je regarde, il me semble sa face. Mais c'est pas sa face, c'est la saveur de ce qu'il dégage. Okay? Fais attention avec la rationalisation. Là, je vais me dire, oh oui, hier, ouais qu'il y avait une barbe. Non, l'instant, c'est là, il y a une barbe, il n'y a pas nécessairement toujours une barbe. C'est la saveur. Moi, je regarde, à un moment donné, le char, il va me dire, hey, ça me vibre. Mais était-tu ça? Je ne sais pas. Alors, on l'a peut-être connu. Ça ne veut pas dire qu'il est ça, ça ne veut pas dire que je suis ça, on l'a peut-être connu. Mais le gros de l'affaire là-dedans, c'est que si on est capable de retrouver suffisamment de points, écoute, la vie puis la mort va prendre un autre saveur, un peu plus matériel, parce qu'effectivement, on va être capable. Puis si on commence à s'en parler de temps en temps, pas à triper là-dessus, à un moment donné, on va être capable de se rappeler de souvenirs et même d'expériences qui nous ont nuis, qui nous ont aidés,